Elle dort, mais elle a très mal dormi. Elle sort, mais je crois bien qu'elle s'ennuie, d'accord. Elle dit qu'elle n'aime pas la pluie, d'accord. Faut voir ce qui tombe aujourd'hui. Elle rentre et elle ne dit plus un mot. Elle chante toujours avec la radio. J'invente des rendez-vous, mais c'est faux. J'invente n'importe quoi, c'est idiot. Comme si j'étais un chanteur fini. Comme si elle voulait quitter ma vie. Comme si j'avais peur d'un coup de folie. Comme si j'étais un chanteur fini. Comme si elle était déjà partie. Comme si j'avais peur qu'elle me dise oui, oui, oui, oui. Elle vit sans trop savoir où elle va. Elle dit qu'elle est aussi bien sans moi. J'oublie que souvent elle m'a dit ça. J'oublie qu'une fille un jour ça s'en va. Comme si j'étais un chanteur fini. Comme si elle était déjà partie. Comme si j'avais peur qu'elle me dise oui. Chanteur fini. Comme si elle voulait quitter ma vie. Comme si j'avais peur d'un coup de folie. Oh, comme si j'étais un chanteur fini. Comme si elle était déjà partie. Comme si j'avais peur qu'elle me dise.